Je suis en alliance avec mon Dieu. Je suis en alliance avec mon Dieu. Une émission du Centre évangélique francophone Arche de l'Alliance Goma. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Psaume 73, 28. Bonne condition d'écoute. Alléluia. Seigneur, tu es Emmanuel, le Dieu au milieu de nous. Par toi, nous avons été réconciliés avec le Père. C'est pourquoi nous voulons t'acclamer et te célébrer ce que tu as fait sur la croix de la gloire. Seigneur, c'est toi que c'est. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous bénissons le Seigneur ce matin pour la grâce de nous retrouver devant lui et d'écouter sa parole. Aussi, pour que nous soyons en mesure de servir à la table du Seigneur. Nous lisons la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 3, 14 à 15. Et puis nous allons lire dans Éphésiens chapitre 2, 8 à 15. Et nous allons revenir sur Philippiens chapitre 2, 6 à 10. Il est vrai que Dieu nous a commencé à nous parler sur le thème « Si le salut doit atteindre les nations ». Nous avons reçu cette révélation et il est vrai que les nations devaient recevoir le salut de Dieu. Mais ce matin, nous allons parler d'un thème, la croix de Christ, stratégie de Dieu, pour que le salut atteigne les nations. La croix de Christ, stratégie de Dieu, pour que le salut atteigne les nations. Jean chapitre 3, 14 à 15, 14 à 16. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque, je veux que vous puissiez souligner ces mots, quiconque croit en lui et la vie éternelle, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, répète avec moi, quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Nous sommes dans Colossiens chapitre 2. Nous allons lire du 8e au 15e verset. Prenez garde que personne ne vous fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes et sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui, par la foi, en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez, par vos offenses et par les circoncisions de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce par toutes nos offenses, il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en la clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, à triomphant d'elles sur la croix. Nous lisons Éphésiens chapitre 2. Nous allons commencer au 6e verset et nous allons partir dans notre courte exhortation. Commençons au verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la croix que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage et a été en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi nous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ce qu'on appelle circoncis et qui sont à la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ces talents sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. J'aimerais qu'on revienne sur ces textes. Le verset 12, nous allons lire ensemble. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, dit à la personne à côté, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix. Lui qui est de deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de la séparation de l'inimitié et en anéantit par sa chair les lois des ordonnances, des prescriptions, afin de créer en lui-même, avec le deux, un seul homme, en établissement, la paix, et de les réconcilier l'un l'autre en un seul corps avec Dieu, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Nous sommes toujours dans la vague de la Pâque. Vous savez, quand vous lisez le Nouveau Testament, c'est la Pâque qui est la grande fête de l'Église du Seigneur. Parce que c'est seulement à ce moment-là que nous, qui étions loin des alliances, nous qui n'avions pas droit à la cité, nous qui ne pouvions pas parler de Dieu, nous avons été connectés avec le trône céleste. Et ce matin, je voudrais qu'on revienne sur la croix de Christ. Pourquoi Christ choisit-il? Pourquoi Dieu choisit-il la croix pour apporter le salut aux nations? Comme nous avons lu dans les textes de Jean chapitre 3, généralement nous lisons le verset 16, Dieu a tant aimé le monde, mais quand vous lisez au-dessus, ça commence sur l'élévation du Fils de l'homme. Et lorsque Christ parlait de l'élévation du Fils de l'homme, il parlait en fait de la croix. Il dit, comme Moïse a élevé le serpent dans les déserts, le Fils de l'homme sera élevé. Il dit, lorsque les serpents ont commencé à mordre les gens dans les déserts, Dieu a révélé à Moïse, il a dit, écoute Moïse, tu fabriqueras un serpent d'airain. Tu élèveras ces serpents. Et quiconque lèvera ses yeux vers le serpent sera guéri des morsures du serpent. Il dit de la même manière que Christ a élevé le serpent dans le désert, le Fils de l'homme sera aussi élevé. En d'autres termes, la croix sera dressée et il y aura un symbole. Si quelqu'un jette ses regards sur ce symbole, sa vie ne sera plus la même. Il sera sauvé. Alléluia. Et le mot qui m'intéresse ce matin, c'est le mot « quiconque ». Bien-aimé, avant la mort de Christ, le vocable « quiconque » n'existait pas dans l'Alliance. L'Alliance était spécifique. L'Alliance visait certaines tribus. Même quand le temple était à Jérusalem, il y a des païens qui allaient à Jérusalem, mais n'avaient pas droit d'accès au temple. On dit qu'il y a des Éthiopiens qui venaient à Jérusalem pour adorer avec les Juifs, mais quand arrivait la cérémonie, ils étaient dehors. Ils admiraient de loin les saluts de Dieu, mais n'étaient pas éligibles au salut de Dieu. Alléluia. Le premier niveau du salut de Dieu, nous le voyons lorsque l'homme a péché. Après avoir péché, il a manqué la grâce de Dieu. La Bible dit « car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Et c'est lui qui a expérimenté ça, c'est Adam avec son épouse Ève. Et dans le jardin d'Éden, Dieu les a maudits et a dit « écoutez, la terre sera maudite à cause de vous, vous allez mourir, de la poussière vous avez été tirés et vous allez rentrer à la poussière, vous mangerez à la sueur de votre front et la terre produira des épines ». Mais après cette malédiction, j'aime le Seigneur, il ne s'arrête pas à la malédiction. Il a dit, le serpent te piquera le talon, mais ta descendance écrasera la tête. C'était déjà un point de sortie de la malédiction. Et Dieu lui-même, dans le jardin, la Bible dit qu'il a pris la peau d'un animal et il a habillé Adam et Ève. Pour qu'il y ait une peau, il faut qu'il y ait une mort d'une bête. Il y a une bête qui a été tuée, il y a du sang qui a coulé et ça a rétabli la restauration, toi ça peut, tant soit peu, entre Adam et Ève et leur créateur. Mais ce premier niveau de salut n'était pas suffisant parce que ce salut concernait seulement Adam et Ève. On peut voir maintenant par Caïn, lorsque leur fils aîné commence à vivre avec son jeune frère, on voit la semence de l'ennemi s'est manifesté à lui, la haine. La haine, c'était la semence du péché. Le sang qui a été versé pour que les parents aient la peau pour se couvrir n'était pas suffisant pour arrêter la propagation de la semence du péché. Mais c'était déjà un premier niveau de salut. Alléluia. Et donc ce salut concernait seulement les deux parents et ne pouvait pas arriver chez Caïn. Vous savez, c'est très compliqué la haine, surtout lorsqu'elle vient de quelqu'un de qui vous attendez plus l'amour. Je peux bien vouloir que quelqu'un qui n'est pas membre de cette église parle de mal de moi, mais quand je suis avec un frère, une sœur avec qui nous prions, qui parle mal de moi, ça fait encore plus mal. Parce que ce que j'attends de toi, ce n'est pas que tu me critiques. Ce que j'attends de toi, ce n'est pas que tu me meurtrisses. Ce que j'attends de toi, c'est que tu m'aimes. Dis à la personne à côté de vous, j'attends de toi de l'amour. Bien-aimé, l'amour, c'est la règle d'or dans la famille de Dieu. La haine, c'est la semence du diable. Dieu est amour. La responsabilité que j'ai pour toi, que tu as pour moi, c'est de t'aimer et c'est de m'aimer. Il dit, aimez-vous les uns les autres et le monde saura que vous êtes mes disciples. Le monde ne saura pas que nous sommes les disciples de Christ parce que nous avons une chaîne de télévision, parce que nous avons réussi dans ceci ou cela. Le monde saura que nous sommes les enfants de Dieu parce que nous avons l'amour. Et l'amour, nous ne pouvons pas l'avoir par les lois des hommes. L'amour vient de la croix. Parce que c'est la croix qui est la manifestation de l'amour. Et donc c'est quelqu'un seulement qui a rencontré la croix qui peut exprimer le vrai amour. D'autres formes d'amour sont sélectives. Je t'aime parce que tu peux m'aider. Je t'aime parce que tu as une voiture comme moi. Je t'aime parce que tu es mon ami. Je t'aime parce que tu peux me sauver. Je t'aime parce qu'il y a une raison. Mais l'amour qui n'a pas de raison vient de la croix. Aidez-moi à dire à la personne à côté, l'amour vient de la croix. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, la croix, nous devons la rencontrer sur notre chemin. La croix, c'est aussi le mystère de la marche de la foi. Christ, avant d'aller à la croix, il a fait un parcours. Il était un homme connu comme un grand prophète. Il a fait des miracles. Il a donné du pain. Il a donné à manger. Et les gens sont venus le chercher parce qu'il a donné à manger. Il a dit, vous venez me chercher parce que vous avez mangé hier. Et l'église du Seigneur se trouve dans le parcours de la marche de Christ. Il y a dans l'église des hommes et femmes qui sont venus chercher Dieu parce qu'il fait des miracles. Il y en a qui sont venus le chercher parce qu'il marche sur les eaux. Il y en a qui viendront le chercher parce qu'il guérit. Ce n'est pas mauvais. Mais pour que vous ayez le salut de Dieu, ce n'est pas le miracle qui sauve. Ce n'est pas la solution à ton problème qui sauve. Ce n'est pas le mariage qui sauve. Ce n'est pas la prospérité financière qui sauve. Ce qui sauve, c'est d'avoir rencontré la croix. Le Christ qui est sur la croix est seul capable de changer ton histoire, de changer mon histoire. Il est vrai que l'évangile de la prospérité nous montre le Christ qui fait le miracle. Mais le Christ qui fait le miracle, c'est avant la croix. Dis à la personne à côté, vous devez aller jusqu'à la croix. Il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Parce qu'il faut arriver jusqu'à la croix pour avoir le salut total. La solution de Dieu n'est pas pour venir résoudre les petits problèmes que j'ai. Les problèmes de maison, le problème de maladie, le problème de cela. Mais la solution de Dieu, c'est de toucher la cause de mon problème. Et la cause du problème de l'homme n'est pas loin, c'est que le péché est entré. Et la solution du péché n'est pas dans la prophétie. La solution du péché n'est pas dans les paroles de motivation. La solution du péché se trouve sur la croix. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons célébrer la croix de Jésus-Christ. Parce que c'est là que tout est accompli. C'est là que tout a été accompli. C'est là que la vie est venue vers les hommes. C'est là qu'il a été prononcé quiconque. Les quiconque, c'est toi et moi. Je ne suis pas de la race biologique d'Abraham. Je ne porte pas le sang juif. Je n'étais pas éligible à la foi. Beaucoup de nations n'étaient pas éligibles. Quand vous lisez les statistiques mondiales aujourd'hui, on dit que les juifs sont autour de 15 à 17 millions dans le monde. Si le salut était encore attaché aux promesses de l'Alliance, c'est seulement les 17 millions qui étaient éligibles au salut. Mais il fallait qu'un homme meure sur la croix. Il fallait que quelqu'un meure sur la croix. Qu'il accepte de se dépouiller. Qu'il accepte de laisser son honneur. Qu'il accepte d'aller loin des acclamations pour entrer et toi te faire entrer dans la grâce de la délivrance. Et Église, nous ne marchons pas avec seulement les versets bibliques, mais nous marchons avec l'œuvre de la croix. Parce que c'est la croix qui m'a affranchi, c'est la croix qui m'a délivré, c'est la croix qui m'a donné un nouveau nom, c'est la croix qui me donne le droit d'être là. Les pentecôtistes, nous prions bien, mais parfois nous prions mal. Nous entrons seulement dans la prière par des introductions intempestives. Seigneur, tu es Dieu, tu es Seigneur. Avant que Dieu soit ton Seigneur, il faut d'abord amener l'œuvre de la croix. Il faut rappeler que Christ, tu es mort sur la croix. C'est par cette croix que je suis entré en alliance avec toi. C'est par cette croix que le péché m'a quitté. C'est par cette croix que je peux parler aux démons. C'est par cette croix que je peux commander aux démons. Je ne chasse pas les démons parce que je m'appelle Siwamunda. Je chasse les démons parce que je suis le racheté de Golgotha. Je ne suis pas fier de ma vie chrétienne parce que je prie beaucoup. Je suis fier de ma vie chrétienne parce que je ne combats plus pour la victoire, mais je combats dans la victoire. Vous savez, cette guerre, c'est une guerre de représentation. L'homme a dit de l'autre côté, amenez quelqu'un. Si entre nous, l'un gagne l'autre, tout ce camp aura la victoire. Et nous, lorsque nous sommes derrière Christ, et là de l'autre camp, il y a l'ennemi avec toute son armée. Je n'ai pas besoin de combattre, j'ai quelqu'un qui me représente. S'il a la victoire, j'ai la victoire. S'il est sourd, je souffre. Or, il a déjà vaincu. C'est que sa victoire, elle est pour moi. Sa victoire, elle est pour moi. Ça me rappelle une scène dans la Bible. La Bible dit que lorsque David arriva, il a vu les gens qui étaient terrifiés. Saul avec toute l'armée était terrifié et personne ne pouvait bouger son doigt. Il y avait 40 jours d'humiliation. Mais ce jour-là dit, je vais l'affronter. Et l'homme a dit, Saul envoie quelqu'un. S'il me gagne, nous serons gagnés. Alléluia. Et ils se sont battus. Et lorsque Goliath a coupé, et lorsque David a coupé la tête de Goliath, les gens qui étaient faibles, les gens qui étaient humiliés, les gens qui étaient capables, les gens qui n'avaient pas la masse, les gens qui n'avaient pas la taille, les gens qui étaient les plus faibles, ils s'avançaient seulement devant les Philistins. Je me dis les Philistins aussi, ils pouvaient encore résister, mais en fait il y avait déjà une loi, c'est de rappeler, vous avez déjà échoué. Vous avez déjà échoué, déposez les armes, vous avez déjà échoué. Nous, quand nous allons dans le monde du diable, nous n'allons pas parce que nous combattons. Nous rappelons seulement, vous avez déjà échoué. Mon mariage, vous devez les lâcher parce que vous avez déjà échoué. Mes milliards, vous devez les lâcher parce que vous avez déjà échoué. Ma santé, vous devez la lâcher parce que vous avez déjà échoué. Ce n'est pas parce que je maigris que le diable a peur. Il a peur de l'œuvre de la croix. Il a peur de l'œuvre de la croix. Ce qui fait peur au diable, c'est l'œuvre de la croix. Et la Bible dit, il a pris l'ordonnance qui me condamnait. Moi qui étais malédiction, je suis devenu bénédiction. Moi qui étais échec, je suis devenu réussite parce qu'il y a une ordonnance. Les juristes sont là. On n'annule pas une ordonnance à la déchira. Mais on annule une ordonnance par une autre plus forte. Si vous voulez annuler une ordonnance, vous ne la déchirez pas parce qu'elle reste application. Mais si vous voulez annuler une ordonnance, il faut écrire une ordonnance plus puissante par une personne qui a mandat supérieur. Si c'est un ministre qui a écrit, c'est peut-être le premier ministre. Si c'est le premier ministre qui a écrit, il faut aller chez le chef de l'État. Et si c'est le chef de l'État qui a écrit, il faut aller où? Hey! J'aime cette parole. Il y a une ordonnance qui fait que moi, tu ne peux pas me juger par rapport à mes origines. Je m'appelle Capitoula, c'est vrai. Mais je ne suis pas obligé de subir l'héritage de Capitoula. Parce que la grâce de la croix m'a déplacé de là où j'étais et m'a donné une nouvelle famille. Je ne suis pas obligé de subir le sort des Africains. Parce qu'en fait, je ne suis pas seulement Africain, je le suis par apparence. Mais le sang qui coule à moi, c'est le sang de Golgotha. Et ma vie peut avoir une tournure au-delà de l'Afrique, au-delà de la RDC, au-delà de ma tribu. Ne m'appelle plus par ma tribu, appelle-moi par Golgotha. Parce que c'est là que mon histoire a été changée. Alléluia. Lorsque tu marches dans la fierté en Christ, tu dois savoir qu'il y a une ordonnance qui a été signée. La Bible dit qu'il prend de la poussière et fait asseoir parmi le roi. J'expliquais le matin, j'ai dit, papa, on peut même te donner un siège parmi le roi. On peut te donner une chaise parmi le roi. Mais quand ils arrivent, ils posent toujours la question, et toi qui es-tu? Comment tu es arrivé ici? Tu vas dire, j'ai une ordonnance. Je ne sais pas comment je suis arrivé, mais j'ai un document qui dit que je dois me tenir ici. J'étais dans une séance il y a quelque temps, et c'était une séance des autorités du pays. Et je devais aller jouer un petit rôle à côté de ces grands. Il y avait des ministres, il y avait des grands. Et j'ai vu quelqu'un venir me poser la question, grand ou quoi pareil? J'ai montré seulement le petit document, j'ai dit, mais il y a un document. Je ne sais pas si je mérite, je ne suis pas d'une couleur politique, je n'ai pas la qualité de tous ces éminents professeurs, mais j'ai un document, une ordonnance qui dit que je dois être ici. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous marchons, relevons notre ordonnance. Quand tu parles à la maladie, tu lui dis, maladie, tu es là, c'est vrai. Mais sache qu'il y a une ordonnance qui ne te donne pas le droit que je sois ici. Quand il y a des combats au milieu de ta vie, tu peux dire il y a une ordonnance. L'ordonnance crée des conditions particulières. L'ordonnance crée ce que l'homme de Dieu a appelé les cieux ouverts. En fait, lorsque Israël devait se déplacer dans les déserts, Israël avait quelque chose de différent. La Bible dit que durant la nuit, il y avait la colonne de feu. Et durant le jour, il y avait la colonne de nuée. C'était intentionnellement que Dieu le faisait. Parce que vous savez, dans les déserts, la nuit, il fait très froid. Et le jour, il fait très chaud. Et Dieu devait disponibiliser une colonne pour assurer que même quand il fait froid ailleurs, il fera chaud là où il y a les enfants de Dieu. Lorsqu'il fait très chaud le jour, il faut qu'il y ait une colonne parapluie. Je vais dire à quelqu'un que lorsque vous êtes à Christ, les circonstances qui vous entourent n'ont pas une influence sur votre destinée. Parce que vous marchez sous une colonne. Il y a une colonne qui protège ta maison. Il y a une colonne qui protège ta vie. Il y a une colonne qui garantit la faveur de Dieu dans ta vie. Parce qu'il y a la croix. À la croix, il a signé une ordonnance. La Bible dit qu'il dresse la table devant mes ennemis. J'ai dit, Seigneur, Monoko Muchokozi, tu veux organiser ma fête au lieu d'appeler mes amis? La première chose que tu fais, c'est d'inviter mes ennemis. Mais quand les ennemis vont arriver, ils vont parler. Quand les ennemis vont arriver, ils vont me regarder avec dédain. Quand les ennemis vont arriver, ils auront une attitude répugnante. Mais il dit, je dresse la table. Ça veut dire tout simplement que sur la table, il y a une colonne. Les ennemis peuvent parler, mais ce qu'ils disent ne peuvent pas changer ma fête. Les ennemis peuvent me regarder mal, mais si leur regard ne peuvent rien changer sur ma fête. Parce que c'est lui qui a décidé que je vais entrer dans ma fête. C'est Jéhovah, le Dieu qui a payé le prix. Et donc le monde n'a pas besoin seulement que nous puissions réussir. Si le salut doit aller vers les nations, le salut ira vers la nation par la croix. Le monde a déjà l'argent. Le monde a déjà la connaissance. La guerre en Ukraine est en train de démontrer l'intelligence de l'homme. Ils sont en train de démontrer la science. Mais le monde, ce qui lui manque, c'est la croix. Le monde n'a pas la croix. L'œuvre de la croix de Christ le manque au rendez-vous. Ils ont tout pris sauf la croix. Je disais, l'évangile de la prospérité présente quiconque a un succès qui ressemble à ce que les hommes apprécient. On a tendance à l'adorer, on a tendance à fermer la bouche. Mais je veux dire que ceux-là qui réussissent selon Dieu, ce sont ceux-là qui marchent avec les marques de la croix sur leur vie. Nous n'allons pas montrer aux hommes que nous avons réussi lorsque nous allons montrer des chantiers. Parce qu'ils auront toujours autant. Nous n'allons pas montrer au monde que nous avons réussi parce que nous avons autant de diplômes. Mais ils veulent voir les marques de la grâce. Ils veulent voir que nous étions avec lui à l'université. Il était impudique. Qu'est-ce qui a fait qu'il change comme ça? Tu dis, j'ai rencontré la croix. Ta tante, c'était une sorcière. Qu'est-ce qui fait que tu tiens comme ça? Ce qui me fait la différence, j'ai rencontré la croix. Vous êtes une femme, généralement les femmes parlent beaucoup, vous critiquez beaucoup les autres, mais vous pouvez vous asseoir et ne pas parler des autres. Qu'est-ce que vous avez rencontré? Je n'ai pas rencontré le bazin, j'ai rencontré la croix de Christ. Pendant que l'on sait que tous les chefs volent, tous les chefs cherchent à s'enrichir, et on dit, mais comment toi tu ne sautes pas sur l'occasion? Tu dis, j'ai rencontré la croix. C'est la croix qui m'a rendu différent. C'est la croix qui m'a travaillé. Bien-aimé, le monde veut voir l'œuvre de la croix dans votre vie. Le monde ne veut pas voir les choses que le monde veut voir. Le monde a besoin de voir la croix. Un homme de Dieu, nous étions dans une des réunions de serviteurs, et il dit, la semaine d'amour, il a eu un problème d'accident. Quelqu'un est venu de derrière et l'a tamponné. Il a cassé les trucs à l'arrière. Et c'était là où il y avait la police de roulage. Ils sont tous descendus, ils ont regardé sa voiture. C'était vraiment bizarre. Et il a regardé la dame qui était au volant. La dame disait, je m'excuse. Il dit, j'étais devant le feu rouge. Comment tu peux faire ça? Et enfin, l'homme de Dieu a dit, je te pardonne. Tu peux aller, maman. La maman a dit, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il dit, tu ne me dis pas qu'on aille au garage? Tu ne me dis pas que la police fasse? Il dit, non, non. Il y a quelque chose que j'ai rencontré. J'ai rencontré la croix. Et par la croix, je peux pardonner. Par la croix, je peux libérer la grâce. Par la croix, je peux être différent. Je suis, c'est vrai, dans mon sang. Le sang de ma tribu coule dans mes veines. Oui, par l'apparence, je porte encore le nom. Mais à l'intérieur, la croix m'a déjà transformé. Le monde a besoin de la croix de Christ et a besoin d'admirer la croix. C'est pourquoi Christ, qui devait venir sauver le monde, a choisi la croix, a choisi certains éléments clés pour communiquer le salut au monde. Il y a quatre dimensions de choix que Christ a faites. Christ a fait quatre dimensions de choix. Lorsqu'il devait libérer le salut vers le monde, la Bible dit qu'il est mort le jour de la Pâque. En fait, ce n'était pas un jour, c'était une semaine, c'était une saison, la Pâque juive. Jésus-Christ a fait quatre choix majeurs. Il choisit de mourir le jour de la Pâque. Pourquoi je parle du choix? Parce que personne n'avait le pouvoir de tuer Christ. Personne n'avait le pouvoir de lui ôter la vie. Il n'y a que lui qui devait choisir par quelle mort il devait mourir. Et le jour où il allait mourir, il a dit, je vais à Jérusalem. Je vais à Jérusalem. Et là, le Fils de l'homme sera trahi et sera livré aux hommes. Et il sera crucifié, mais le troisième jour, il sera ressuscité. J'aime le calendrier de Dieu. Christ, les gens n'ont pas encore commencé le complot, mais il connaît les étapes. Je vais dire à quelqu'un, Dieu connaît les étapes de ta vie. Il sait que quand il crie, tu es là, il dit... Après là, ils vont dire crucifiez-les. C'est pourquoi quand tes ennemis parlent, ne suis pas leurs paroles, suis le calendrier de Dieu. Est-ce que ta vie a un calendrier? La vie d'un enfant de Dieu, dans l'alliance avec Dieu, Dieu établit un calendrier pour sa vie. Ta condition ne doit pas dépendre de la condition politique des pays. Si tu n'es pas encore la condition politique des pays, tu es encore bas. Si tu n'es pas de la conjoncture économique, tu es encore bas. Il faut monter jusqu'à ce que ta vie ne dépende plus des circonstances qui t'entourent. Que ta vie dépende plutôt de ce que Dieu a dit. Les hommes ont dit, mais qu'est-ce que Dieu a dit? Le Parlement a dit, mais qu'est-ce que Dieu a dit? La CENI a dit, mais qu'est-ce que Dieu a dit? Mon père a dit, mais qu'est-ce que Dieu a dit? Ma tante a dit, mais qu'est-ce que Dieu a dit? Les sorciers ont dit, mais qu'est-ce que Dieu a dit? Si je comprends qu'il y a une parole puissante sur ma tête qui annule toutes les paroles qui m'entourent, je ne suis pas agité. Ma vie sera calme parce que ma vie suit un calendrier. Aujourd'hui, je peux être à pied, demain, je suis à voiture. Ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas la voiture qui détermine si j'avance ou je n'avance pas. Ce qui détermine si j'avance, c'est le calendrier de Dieu. Dis à la personne à côté, il faut connaître ton calendrier. Vous savez, il y a parfois les exaucements des autres qui font pleurer. Quand vous voyez les autres être bénis, vous dites, « tu lui fais à canini. » Vous pleurez parce que vous ne connaissez pas votre calendrier. Quand le panier circule, il peut passer sur 5 personnes. Mais je sais qu'à la 6e minute, ça va venir vers moi. Parce que le calendrier prévoit qu'à ce moment-là, le panier sera vers moi. Christ connaissait le calendrier qui suivait sa vie. Et il a dit, j'irai à Jérusalem. Je vais mourir au 3e jour. Pas au 2e, pas au 1er. Pas au 4e, mais il est précis. Dieu, lorsqu'il commence et travaille sur ta vie, il devient précis dans les événements. Il devient précis dans ses temps. Mais il faut être en alliance avec Dieu. Alléluia. Il faut rencontrer l'œuvre de la croix. Quatre choix majeurs que Christ a opérés. Le choix de mourir le jour de la Pâque. Vous savez, la Pâque était en commémoration de l'une des fêtes d'Israël. Il y en avait 7. On n'a pas parlé de ça ce matin. Mais la Pâque rappelait la sortie de l'Égypte. Mais la première image qui était derrière la sortie de l'Égypte, c'est le plan de Dieu de libération d'Israël malgré ou contre la volonté de Pharaon. Le miracle est venu après, mais ce qui est venu avant, c'est qu'il y avait un plan que l'ennemi ne pouvait pas arrêter, que Pharaon ne pouvait pas arrêter parce que Dieu a décidé. Et Israël célébrait cela. Il savait que la parole que Dieu libère, le plan que Dieu établit, personne ne peut l'arrêter. Dis à la personne à côté, le plan de Dieu pour toi, personne ne peut l'arrêter. Le problème, c'est de voir les attitudes de l'adversaire. Quand vous regardez trop ceux qui ont du mal contre toi, tu as l'impression qu'ils vont arrêter ta marche. C'est pourquoi ne fais pas la guerre aux gens. Oh, c'est lui qui avait bloqué mon dossier. Oh, c'est lui qui avait fait ceci. Même s'il fait ça 1000 fois, s'il y a une grâce qui marche sur toi, tu avanceras. Ils se rendront compte qu'ils ont fait la calomnie pour que tu ailles à la prison, mais la prison ne peut pas arrêter ta destinée. Ils se rendront compte qu'ils ont fait annuler ton contrat, mais l'annulation de contrat n'annule pas le processus de la marche. Et le plan de Dieu sur la vie d'Israël devait s'accomplir parce que Dieu en a décidé ici. La deuxième dimension, c'est le sang ou l'agneau pascal. Il a dit, vous prendrez l'agneau, vous allez l'égorger, vous prendrez le sang, vous mettrez sur le mur. Et vous allez manger l'agneau et vous allez être en position de départ. Parce que quand vous finirez de manger, vous allez partir. En fait, c'est pour leur montrer qu'il y a un chronogramme qui va suivre ces événements. Le sang qui a été révélé, le sang qui a protégé. La Bible dit que quand l'ange est venu, l'ange a commencé à amener la mort dans les maisons. Mais quand il voyait le sang, il arrêtait l'épée. Le mystère derrière la Pâque, c'est qu'il y a du sang qui doit couler, mais il y a aussi du sang qui doit être peint. Parce que ce sang doit protéger, ce sang doit justifier, ce sang doit donner un nouveau départ. C'est pourquoi le sang de Christ qui coule le jour de la Pâque, ce sang est comparé au sang de l'agneau pascal. Le sang qui vient dire, ici, la mort ne peut pas entrer. Ici, le malheur ne peut pas entrer. Ici, il n'y aura pas de deuil. Ici, on ne perdra pas quelqu'un. Ici, il n'y aura pas d'humiliation. Ici, c'est la vie, ce n'est pas la mort. C'est pourquoi, bien aimé, lorsque vous êtes en Christ, même, je parle aux parents, quand vous parlez aux enfants, ne les considérez pas par rapport à votre vie. Les enfants que nous avons doivent aller plus loin que nous. Parce qu'ils ont une grâce spéciale. Je disais à mes enfants, quelque temps, j'ai dit, vous avez la grâce. Pendant que nous, on avait des pères qui venaient, peut-être il a pris une bière, il était dans ceci ou dans cela, mais vous, vous avez la grâce de vivre sous l'onction de la grâce. Ça veut dire, vous avez le droit de réussir, vous avez le droit d'aller plus loin. Bien-aimés, lorsque nous sommes à Christ, nous n'avons pas le droit d'échouer, nous avons le devoir. Laissez-moi parler du mandat de réussir. Le succès, c'est un mandat. Aidez-moi à dire à la personne à côté, ton succès, c'est un mandat. Tu n'as pas à pleurer comme les autres. Comme je le disais le matin, quand les autres pleurent, tu ne peux pas pleurer. Et quand tu dois pleurer, tu ne peux pas pleurer en public. Parce que vous n'avez pas les mêmes chances. Quand tu vas pleurer, Christ te dit, quand vous allez prier, allez dans votre chambre. Quand tu veux pleurer, rentre dans la chambre. Quand les gens se lamentent sur des circonstances, vous ne pouvez pas vous lamenter comme les autres. Vous avez plus de grâce que les autres. Et du reste, les autres attendent beaucoup de vous. Ils attendent que vous puissiez réussir pour donner de l'espérance. Vous savez, il y a des environnements où vous avez grandi et vous voyez qu'il n'y a personne qui a émergé. D'ici, personne n'a jamais émergé, je serai le premier pour donner de l'espérance. Christ est celui qui est venu nous donner la distinction et la différence. L'homme de Dieu parlait de la faveur de Dieu spéciale qui nous met à part. cette faveur fait que lorsqu'on parlera de l'histoire de ma vie, on parlera de l'histoire de ceux-là qui ont vécu avec moi. On a dit dans tous ces quartiers, personne n'a mergé, sauf j'étais étonné et je me disais le matin, vous savez le grand problème que nous avons avec Dieu, c'est que nous venons avec nos problèmes et nos larmes, mais nous venons moins avec nos visions. Nous voulons être activés par nos problèmes. Bien-aimés, je veux dire, les problèmes ne peuvent pas vous amener très loin dans la foi. Parce que quand le problème est résolu, vous n'avez plus le courage d'aller loin, vous n'avez pas une raison d'avancer. Il faut chercher une raison plus grande. Et si le monde doit voir le salut, le monde a besoin de gens qui voient plus loin, qui voient au-delà d'eux-mêmes, au-delà de leur petite famille, au-delà de leur petite veste, au-delà de leur petit téléphone, au-delà de leur petite maison, au-delà de leur petite voiture, mais qui peuvent voir des nations qui reçoivent le salut par eux. Bien-aimés, quand vous venez avec des problèmes, nous sommes limités. L'Église n'est pas un centre de consolation ou de détraumatisation. L'Église, c'est un centre où nous sommes en train d'être connectés à la grâce. Une grâce qui provoque le salut et qui nous amène au-delà des limites qui ont été établies. C'est pourquoi dit à la personne à côté, rêve encore plus grand. Rêve encore plus grand. Les jeunes, vous êtes où? Rêvez encore plus grand que nous les vieux. Ne rêvez pas seulement le quartier. Quand vous parlez quoi? Demande à la personne à côté, quand vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? L'ordonnance que tu as porte en toi le mandat d'aller au-delà de ta nation, au-delà de ta maison, au-delà de la maison de ton père. Mais quand tu réfléchis petit, petit. C'est pourquoi quand il y a un 5 000 en caisse, tu es agité, tu veux vraiment détourner ça parce que à qui il y a qu'on te réchire pour 5 000. Mais si tu voyais plus grand, tu vas dire, laissez ces 5 000. Il y a des millions qui arrivent. Laissez d'abord. Il y a des millions qui arrivent. Tu veux tuer quelqu'un parce qu'il va à la Mouzouri. C'est trop bas. Tu veux tuer quelqu'un parce qu'il a coulé à Mouzouri. C'est trop bas. Tu veux tuer quelqu'un. En fait, le poison même dans l'église, ça vient pourquoi? Parce que mentalité cochine. Oh, mon patié, car aujourd'hui, assis en délai, que tu es en délai, tu es en délai, tu es en délai, tu es en délai. Si vous voulez être en paix dans l'église, il faut marcher dans la vision de Dieu. Je disais à certains bien-aimés, vous savez, quand nous commençons à prêcher, généralement, nous n'avons pas de forme. Et vous allez prêcher aux gens. Lorsqu'il se présente, il dit, je suis ministre, je suis ceci. En fait, le problème, c'est parce que je ne sais pas voir, je ne peux pas voir ce que je suis. Je regarde à la vision de Dieu. Même si vous êtes grand aujourd'hui, je vais vous prêcher. Parce que l'onction qui est sur moi, il est plus grande que ce que tu es d'apparence. Il faut être courageux de venir à pied, frère, avec une petite Bible. Vous arrivez dans une villa, vous dites à quelqu'un que Dieu vous bénisse. Il faut être courageux. Parce que normalement, c'est celui qui est dans la villa qui devait vous bénir. Mais en fait, ce qui donne la force, c'est quoi? C'est que la grâce qui est sur moi, la vision qui est sur moi, la gloire qui est sur moi. Même quand tu es dans la villa, j'ai le mandat de te bénir. Parce que je porte le salut de Dieu, j'ai le mandat de te bénir. Les chrétiens, nous avons été frustrés pour rien. Parce que nous avons regardé et dit, oh, bachaka tuacha. Il faut seulement avancer dans la tête et tu vas voir que tu n'es pas derrière. Il faut avancer dans l'esprit et te rendre compte que tu n'es pas derrière. En toi règne tout un roi. En toi loge toute une gloire. En toi règne tout un royaume. En toi règne tout un pouvoir. C'est à toi de relever la colonne et de dire que ma colonne s'élève. Que ma colonne s'élève. Que ma colonne s'élève. Et tu vas te rendre compte. Un jour, je devais prier pour quelqu'un. C'était un homme élevé dans l'armée. En général, c'est pour la première fois que je prie pour un officier de très haut rang. Mais quand nous arrivons quelque part, il s'agenouille et dit, « Homme de Dieu, je n'étais même pas encore consacré pasteur. homme de Dieu, prie pour moi. Et puis j'ai sursauté, j'ai dit, mais ça, c'est le commandant de la région militaire. Ça, c'est le général. Je vois les gardes qui sont dehors. Mais j'ai dit, non, mais j'ai quelque chose. J'ai quelque chose. Je vais le bénir. Je lui dis, ferme les yeux. Papa, quand vous êtes conscient de la chose que vous avez, il y a beaucoup de choses qui ne vous intimident pas. Vous marchez dans la vision de Dieu et vous opérez dans la vision de Dieu. Vous n'opérez pas. La Bible dit que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Dans la foi, il y a la dimension de l'épanouissement moral. Tunaanzaka omba maombi ya kupunguzana na Mungu. Mungu basi, kama ni 5 saa, leta tu ayo vildi. Juu, minona 5 miyo haita kuyaka. Ça, c'est limité Dieu. Mungu leta ta mu atakuya. Atari mufupi mina kamata tu. Vous ne pouvez pas limiter Dieu comme ça. Accroche-vous. Les années ne peuvent pas annuler la grâce de Dieu. La Bible dit, même si la promesse est tarde, attends-la, parce qu'elle s'accomplira toujours et certainement. Elle s'accomplira toujours. Ne change pas ta prière. Dis à la personne à côté, ne change pas ta prière. Quand tu veux encore prier, le diable peut te rappeler. Est-ce que tu vois? On a jioni kwa kwanza juu ulombe hivi. Unasema, je ne prie pas parce que mina fanana, je prie parce qu'à moi, il y a la grâce qui m'établit dans ces choses. C'est pourquoi nous n'arrêterons pas d'innover à l'arche. Moi, crise, mon aouza maestrima, ma 60 000 vanduka ba pasteur nabo. En fait, ce n'est pas un problème de crise, c'est un problème de la semence que nous avons. Nous avons la semence de la grandeur. Si le vieux dit, on va construire le temple, ne soyez pas étonnés. Ou le musée, il qu'on habite bien, binatushitula. Aneza ba piga pa budget à 2 millions. Et aussi chituki. Harabambia bo temple, tajenga ni 2 millions, ambia musée. Ou l'ijiona. Ukatuona. Unono mwana farana million. En fait, ce n'est pas un problème que una farana. C'est que la grâce que tu portes est au-delà des millions. C'est pourquoi, quand l'homme de Dieu te dit, le temple va coûter 2 millions, ne sois pas agité. Il y en a qui regardent à côté, dans ce moment. Le Dieu de la multiplication donnera la grâce à la semence que tu as. Tu vas dire, Seigneur, j'ai encore 20 dollars entre mes mains, mais tu sais que je suis millionnaire. Je vais déposer dans ton panier que les 20 dollars attirent des millions qui vont construire le temple de Dieu. Dieu n'est pas obligé de dépendre de mon apparence, de ma situation actuelle. Dieu dépend de la vision qu'il a sur ma vie. Lorsqu'il me parle, il ne me parle pas par rapport à ma famille, par rapport à la chaussure que je porte, mais il me parle par rapport à la destinée que je porte. Aidez-moi à dire à la personne à côté, tu as une grande destinée. Tu as une grande destinée. Oh, aujourd'hui tu parles encore avec des gens qui n'ont pas d'identité. Demain ils vont t'oublier. Parce que le Dieu qui est en toi va changer l'histoire de ta vie. Le Dieu de la croix va changer l'histoire de ta vie. Il l'a dit, tu partiras. Alors lève-toi et va. Aidez-moi à dire à la personne à côté, lève-moi et va. Mais ne va pas me vide, marche avec l'ordonnance. Va avec l'ordonnance seulement. Et dis, Ningali locataire, mais j'ai une ordonnance. Je ne suis pas encore notifié, mais j'ai une ordonnance. J'ai encore l'apparence de pauvre, mais j'ai une ordonnance. Tu peux me négliger, mais j'ai une ordonnance. J'ai quelque chose. J'ai quelque chose. Tu as quelque chose. Quand tu oublies que tu as quelque chose, même un rien peut te négliger. Mais quand tu sais que tu as quelque chose, batasema uko na kiburi. Unasema iko kiburi lakini ni fier. Parce que ce qui est à moi est grand. Vous ne savez pas le voir maintenant, mais c'est très grand. Bien-aimé, quand vous marchez, quel que soit comment vous êtes habillé, marche avec fierté parce qu'il y a un Dieu qui marche avec vous. Quand vous chantez, usi imbe na bikozi, imba bien parce qu'il y a une grâce qui t'accompagne. Quand vous parlez à vos enfants, ne parlez pas à vos enfants par rapport au matembele qu'ils mangent. Parlez aux enfants par rapport à la grâce qui peut les accompagner. Tu peux même dire, je me rappelle une famille américaine, l'on dit souvent, on parle de la famille du docteur Ben Carson. Sa mère il y a à l'époque, c'était encore la ségrégation raciale, et il a été séparé de son mari, mais disait à son fils, en toi loge un grand homme. Il a été le premier homme à découvrir quoi? La chirurgie cardiaque. Et aujourd'hui, dans le mandat passé, il était parmi les conseillers du président américain. Un homme de Dieu, un grand dignitaire américain aussi, il dit chaque matin, c'était une femme qu'il passait avec son père devant cette maison blanche à l'époque où il n'y avait que des blancs. Son père lui disait, tu travailleras ici. Tu travailleras ici. Bien-aimé, ton héritage que tu vas donner à ton fils ou à ta fille, ce n'est pas ce qui fera sa vie, mais la parole que tu vas lui donner est plus puissante que l'héritage que tu as. Nous arrivons à pécher parce que nous voulons laisser un héritage. Tu peux mourir et on va à la maison. Mais si tu leur donnes une parole qui donne la vie, même quand ils n'ont pas de maison, ils ont la parole. En fait, beaucoup d'entre nous, surtout cette génération, vous n'avez pas eu d'héritage. N'est-ce pas? Tous ceux-là qui ont la soixantaine, 50, est-ce qu'ils ont de l'héritage? Vous travaillez pour votre héritage parce qu'il y a quelque chose que vous portez. C'est pourquoi les enfants, bénissez-les. Parlez-leur positivement. Il n'a pas besoin de ça. Il a besoin de quelqu'un qui croit en lui. Tu lui dis, mon fils, moi je suis arrivé jusqu'ici, mais toi tu iras loin. Ce que je fais encore petit, mais toi tu feras plus grand. Ma fille, ne t'en fais pas, va la tout cas le calipapa en attendant. La grâce de Dieu va te récupérer. Parce que la gloire qui marche avec nous, elle est plus puissante que celle qui est dans le monde. Aidez-moi à dire à la personne à côté, rêve plus grand. Il y a quelque temps seulement, je me suis rendu compte que l'homme le plus riche, c'est un Africain. Je ne savais pas. Je pensais que tous les riches viennent de là-bas. Mais l'homme le plus riche, c'est un Africain. Il n'est même pas né à l'Occident. Il est parti seulement là-bas comme un migrant. Mais aujourd'hui, c'est l'homme le plus riche, Elon Musk. Bien aimé, vous pouvez rêver aussi d'être l'homme le plus riche. Et maintenant, on a douté ça, non? Vous pouvez rêver d'être l'homme le plus puissant. Votre père le rêvera. Ah, c'est peut-être une assemblée de 4 000. Vous pouvez dire, moi, j'irai à 50 000 ou à 100 000. Vous pouvez dire, moi, j'aurai une église de 3 millions. Dieu peut vous la donner. Mais le problème, c'est la foi. Quand tu veux élever ta foi, tu as l'impression que quelque chose te tire vers le bas. À peine tu as eu ta première voiture, le jour où tu dis je serai millionnaire, Njo Pinedo Tembilizi n'a pas souk. Et puis tu dis est-ce que j'y arriverai? Tu n'as que quelques comptes en banque, le jour où tu dis je serai millionnaire, je serai ceci, c'est ce jour-là que l'escroc vient tout ramasser. Et puis tu es affaibli. Bien-aimé, ne t'affaiblis pas. Ce ne sont pas les résultats qui déterminent qui tu es, mais c'est la grâce qui est sur toi, qui est venu de Golgotha, qui marche avec toi. Même la mer va obéir. Et Moïse pouvait dire, vous voyez ces Égyptiens, vous ne les verrez plus, parce que les circonstances qui vous entourent vont disparaître. Bien-aimé, ce matin, je suis venu encourager quelqu'un. Peut-être qu'il y a un péché qui t'a mis à genoux. Ça, on en a qui les aime, on a ces mabandou, koutende akawad. Quelqu'un t'a convaincu que si tu ne pêches pas, tu n'iras pas loin. Et tu as accepté de commencer à pécher parce qu'il faut aller loin. Bien-aimé, la grâce qui est à nous, elle va au-delà du succès dans le péché. Elle va au-delà du succès dans la tricherie. C'est une grâce qui vous établit et qui trace les chemins. Votre chemin a été tracé avant que vous ne soyez conscient de votre élévation. Active seulement la grâce qui est à vous. Amène le péché à la croix. Amène les soucis à la croix. La Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Et sur la croix, il a pris ta malédiction. Pas seulement la malédiction, mais il a pris aussi ton péché. Quand tu arrives à la croix, ne dis pas, Seigneur, donne-moi ma bénédiction, donne-moi ma couronne. Remets d'abord tes péchés. Kamataïbu leozi. Kamataïbu salati. Kamataïshaka. Vous savez qu'à un certain moment dans la marche de la foi, les doutes, c'est aussi un péché. Vous doutez trop de Dieu. Vous doutez trop de Dieu. Bien-aimés dans les Seigneurs, ce matin nous parlons de la croix de Christ qui garantit le salut. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous ramène vers le bas. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait que vous ne voyez pas très loin. Mais ce matin, je voulais dire que la croix, elle est capable de communiquer la vie. La croix est capable de changer mon histoire. Je suis loupé par l'apparence et par le nom, mais mon sang, c'est le sang de Golgotha. Je suis de telle tribu ou de telle famille, mais la grâce qui est à moi, elle est au-delà de ce que mes pères ont fait. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. S'il y a quelque chose que tu as dans le cœur et que tu veux amener vers Christ, tu vas t'élever là où tu es et dire, Seigneur, je veux te donner ce fardeau, je veux être enfranchi. Si tu es là, tu as des doutes, beaucoup de choses t'ont mis à genoux. Tu veux remonter, mais quelque chose te ramène vers le bas. Tu vas aussi t'élever et dire, Seigneur, je suis là. J'ai besoin de relever ma tête. J'ai besoin d'une force. Merci beaucoup, chère servante. Que Dieu vous bénisse. Vous avez besoin de voir la grâce de Dieu. Vous avez besoin de voir la visitation de Dieu. Ce matin, c'est le matin de la restauration où nous allons voir les choses différemment. La croix a tout accompli. La croix a arrêté le malheur. Peut-être qu'il y a des circonstances qui t'ont montré que tu es trop petit, que tu n'es rien dans la vie. Mais ce matin, je veux dire que la grâce qui marche avec toi détermine où tu finiras. La grâce de Dieu est le sur toi. Abandonne seulement les voies des ténèbres et sois juste avec Dieu. Remonte ta foi, active ta colonne et une grâce particulière marchera avec toi. Nous allons inviter l'homme de Dieu.